On change de pas, on met juste les costumes d'autre sur soi. On ne change pas une veste cachée qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de prendre un songe, de toucher du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque une laisse instinctive. On ne sait pas, on ne change pas. On attrape les ailes et les pauses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que on fait les choix. Mais c'est une crainte là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui ressent. Thank you. Thank you.